Ce n'est pas en très bon état. Oh, il faut juste repeindre et ça va être parfait. Parfait. Il y a plusieurs trous dans les murs. Ça n'est rien du tout. Vous allez voir. Où est le jardin? Eh bien, il est là. Ah, un arbre devant un mur, pour vous, c'est un jardin. Oui, le jardin n'est pas grand, mais c'est très calme. Ah oui, c'est très calme, mais c'est sombre. Et moi, j'ai absolument besoin de lumière.